Bonjour, bonsoir à tous, ici Damien pour un avis des moutons assez particulier, j'ai rien préparé. J'espère que ça va pas trop se ressentir. Picabo a parlé dans un ancien épisode de sa condition de cycliste urbain, plutôt dirais-je de gibier urbain, et Larnouf de sa condition de conducteur de bus, d'ailleurs. Merci monsieur pour tes conseils de sécurité routière en conduisant et en faisant cet avis des moutons. En tant qu'usager abonné d'une compagnie de bus interurbain, je voulais donner un petit peu mon avis. Je crois que aussi bien les cyclistes sont en faute, les automobilistes, tout le monde est fautif à un niveau, même les piétons. Sauf que, à force de faire de la sécurité routière bidon, à force de se sentir, on va dire, à force de faire des campagnes à l'opposé du quotidien des gens pour dire attention, il y a un danger, on se sent pas vraiment concerné. Moi, le premier, principalement, je suis jeune, je suis dans la case des 18-25 ans, c'est principalement moi qui est concerné dans ces campagnes. Je ne me reconnais pas, peut-être parce que je ne suis pas la cible urbaine, mais voilà, je me sens pas vraiment concerné. Je devrais l'être. Sam, par exemple, ça devrait vraiment me concerner, sauf que sortir dans mon petit environnement. Ça serait se résoudre à aller dans une seule boîte de nuit, pas forcément la meilleure, mais c'est la seule qui y est. Et aussi faire 30 km pour y aller, voire plus. Sans avoir forcément quelqu'un avec qui y aller éventuellement. Donc ton propre Sam, c'est toi. Et voilà. Non, ce qui me révolte un petit peu, c'est que on fait vraiment des efforts pour dire. Il faut consommer autrement, il faut prendre les transports en commun, il faut prendre le moins sa voiture, il faut faire du covoiturage, il faut faire ceci, il faut faire cela. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Au niveau de la région, il y a une plateforme pour faire du covoiturage. Il y a des endroits qui sont dédiés justement au covoiturage. Je prends le bus très régulièrement, j'ai un abonnement mensuel, je paye genre 40 € pour faire des voyages illimités sur un périmètre de 30 km sur ma ligne habituelle. Donc ça, c'est ce que je payais, je dis bien c'est ce que je payais, 40 €, c'est ce que je payais par semaine avant de connaître l'abonnement, 40 € par semaine. Maintenant, c'est 40 € par mois. Pour le double, voire le quadruple, si je veux, de voyage. Non, ce qui me chagrine, c'est vraiment que dans certains moments de la journée, de l'année, on ait un service public au rabais. Parce que là, je parle bien de service public, vu que je suis dans un milieu rural. En dehors des heures de transport qui est en dehors des heures de transport, en ville on a des bus toutes les demi-heures, toutes les trois quarts d'heure, toutes les 5-10 minutes, qu'importe. Les bus interurbains ruraux, eux, sont légèrement décalés. Tu en as un ou deux le matin pour aller aux heures de bureau et un ou deux le soir. Quelquefois, deux dans le milieu de la journée, on sait jamais, ou sur le coup de midi, ça dépend des lignes. Pendant les vacances scolaires, et c'est là où mon coup de gueule arrive, c'est qu'on a des conducteurs qui ne sont pas affectés directement à cette ligne. On a souvent des petits conducteurs qui ont une ligne de bus soit sur un autre secteur, ou directement des circuits scolaires. Là où le bât blesse, c'est que Certains de ces conducteurs n'ont pas du tout la notion du service public. Prenons notre cher ami Pignouf. Oui, voilà, il lui fallait un nom qui soit à la hauteur de ses exploits. Donc prenons Pignouf. Pignouf est habituellement sur un circuit scolaire. Il prend les écoliers, il les emmène jusqu'à leur école, puis basta. Pendant les vacances scolaires, elle est réquisitionnée par la société de transport pour faire justement un bout à l'autre du département, notamment sur la ligne que je prends habituellement. Là où c'est vraiment chiant, c'est que Pignouf n'a aucune notion du service. Même pas un petit bonjour, même pas un petit au revoir. Il ne daigne pas, il attend bêtement que vous lui disiez votre destination, même si vous la connaissez pas, vous lui dites Nevers, elle va vous demander où. Si vous lui dites Château-Chinon, elle va vous demander où. Voilà. Il est quand même capable, même parfaitement balisé avec un gilet jaune et deux lampes, de ne pas vous voir. C'est quand même du niveau. Ce n'est pas pour rire, hein. J'ai dû me mettre au milieu de la route avec mon gilet jaune et mes deux lampes parce que je voyais qu'il ne mettait pas les clignotants pour dire qu'il m'avait vu, ni même un appel de phare. Il est quand même capable, c'est le seul qui est quand même capable de rater des arrêts de car. On lui dit il a l'habitude de me voir à tel arrêt, il ne se ralentit même pas. C'est souvent que je suis obligé de faire 50 mètres derrière le car pour lui faire encore deux grands signes et lui dire de s'arrêter, mais il ne me voit pas, donc du coup je fais encore 10 km pour essayer de le rattraper. C'est super. Donc là où je devais économiser en essence, je le dépense pour essayer de rattraper le bus. Ironie du sort. Voilà. Et justement, le Pignouf n'aime pas vraiment qu'on lui fasse remarquer qu'il a oublié ses arrêts. C'est quasiment systématique, même quand on n'est que 3-4 dans le bus, que je lui demande gentiment de m'arrêter à tel endroit. Il me dit soit non, c'est pas un arrêt, soit non, non, non, non, on va te faire foutre. Le feu il est vert, je continue. Ça m'est arrivé. Donc, si on compte justement l'effet qu'il s'arrête pas aux arrêts et qu'il ne veut pas s'arrêter là où il y a des personnes qui veulent monter, ça fait un petit peu beaucoup. Et il m'a dit, ben justement, si vous n'êtes pas content, vous allez vous adresser, non pas à la société de car, mais plus haut, au département. Et le département me dit, mais non, c'est pas chez nous. Nous, nous sommes que les exécuteurs. Vous retournez vers la compagnie. Et la compagnie me fait un petit signe en me disant, c'est bien beau, mais nous, on est un petit peu emmerdés, hein, parce que, comme vous savez, vous avez une direction qui est à Château-Chinon, nous, on a une direction qui est à Fourchambault. Concrètement, vous faites quoi? Et ça dure comme ça. Picabou, je crois que tu vas pas être content parce que là je vais dépasser les 9 minutes, mais sincèrement, quand on a vraiment une notion de service public, vraiment, je peux comprendre qu'en ville, voilà, on s'arrête à certains arrêts, pas d'autres. Que les arrêts peuvent durer 30 secondes. Mais même ça, 30 secondes. Ce cher Pignouf ne peut pas comprendre qu'on peut arriver avec 30 secondes de retard où il faut être là minimum 1 minute, voire 2 minutes avant pour être sûr d'avoir le car. Et c'est malheureux, mais même quand on est chargé comme une mule, même si on ne comprend pas le français, ni même le morvandio, Pignouf a un certain sens du devoir en rétorquant que non, ce n'est pas possible de se garer quelques mètres plus loin parce que justement on est chargé de 25 kilos. Non, que ce n'est pas possible de payer avec un gros billet de 20, même si il a la monnaie, même si on parle pas français, c'est de votre faute si on vous comprend pas. Bref, Pignouf, c'est vraiment le gros con qui vous fait aimer les transports encore. Voilà. Picabou, je suis vraiment désolé, mais essaye de monter. Je suis vraiment désolé. Vraiment, vraiment, vraiment. Bref. Les transports en public, c'est, à mon sens, un meilleur moyen de transport pour les personnes comme moi. Mais c'est aussi un service universel pour les personnes qui ne peuvent pas vraiment se déplacer. Et quand on tombe vraiment sur quelqu'un comme ça, qui fait vraiment de la mauvaise foi pour rien, ça me met hors de moi de me dire, mais putain, je paye, on va dire, 20 euros pour aller d'un point A à un point B en temps normal, avec d'autres compagnies, pas d'autres compagnies, avec d'autres chauffeurs, et ça se passe en meilleure compagnie. On rigole que là, c'est à 7 h du matin, on peut même pas dormir dans le car. On était trois ce matin. Voilà, un grand bus, trois personnes. Il a mis la musique à fond exprès pour que personne ne s'endort. Est-ce que c'est pernicieux? Est-ce que c'est vicieux? Je sais pas. Mais voilà, ça c'est mon gros coup de gueule. C'est que certains font tout leur nécessaire pour vous aider, en vous indiquant les meilleurs arrêts, les choses comme ça. Prennent de leur temps en leur disant tout fort dans le car. C'est l'arrêt machin, c'est l'arrêt truc. Et il y en a d'autres, c'est ah ben non. Non, non, allez vous faire foutre, le feu il est vert, j'ai pas envie de m'arrêter. Vous allez descendre à l'arrêt plus loin, qui sera sans doute à 2 km. Non, j'ai pas envie. Non. Y en a d'autres qui vont dire, bon ben voilà, vous avez la côte à monter, si vous voulez, je peux vous arrêter plus haut. Lui, il va dire, ben non, non, je n'ai pas envie, l'arrêt il est ici, c'est le règlement, c'est le règlement. Voilà, ça c'est mon gros coup de gueule. Voilà, je vous donne peut-être rendez-vous à très bientôt. Je vais essayer de respecter mon temps imparti. Comme je disais, c'est vraiment un ADM particulier. J'ai pas préparé. Je suis vraiment désolé s'il y a vraiment de l'ardite. Picabou, je suis désolé si tu dois faire beaucoup de montage. Je vous remercie pour cette minute d'attention. Et par pitié, conducteur de bus, de car, de taxi, de VTC, de pousse-pousse, faites un effort pour vos clients. C'est la base. Vous représentez la société, mais mieux que la société, vous représentez le territoire en lui-même. Ayez une attitude responsable et des responsabilités dignes de ce nom. Je ne vous en demande pas d'en faire des caisses, mais au moins le minimum. Aider la personne au lieu de la laisser dans sa merde qu'elle ne comprenne rien. Voilà, c'est tout pour moi. C'était Damien.